Les litanies de Satan. Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil, à qui l'on a fait tort, et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, enseignes par l'amour le goût du paradis, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô toi qui de la mort, ta vieille et forte amante, engendra l'espérance, une folle charmante, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui fais au proscrit ce regard calme et haut, qui danne tout un peuple autour d'un échafaud, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais en quel coin des terres envieuses le dieu jaloux cacha les pierres précieuses, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi dont l'œil clair connaît les profonds arsenaux où dort enseveli le peuple des métaux, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi dont la large main cache les précipices aux somnambules errant au bord des édifices, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, magiquement, assouplis les vieux os de l'ivrogne attardé foulé par les chevaux, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, pour consoler l'homme frêle qui souffre, nous as pris à mêler le salpêtre et le soufre, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui poses ta marque, ô complice subtil, sur le front du Crésus impitoyable et vil, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui mets dans les yeux et dans le cœur des filles le culte de la plaie et l'amour des guenilles, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Bâton des exilés, lampe des inventeurs, confesseur des pendus et des conspirateurs, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère du paradis terrestre a chassé Dieu le Père, ô Satan, prends pitié de ma longue misère.